L'actualité à Nancy et ailleurs. Ce dimanche 17 septembre aura lieu un concert à la guinguette du parc de la Curdère à Nancy, un rendez-vous porté par l'association Bipolaire, si tu savais. Marie-Paul Pierrel, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes présidente de cette association. C'est ça. Alors avant de parler du contenu de cet après-midi au parc de la Curdère, un mot sur l'association Bipolaire, si tu savais. Déjà, le titre du nom de l'association donne une idée du thème de l'association. Nous avons créé cette association il y a exactement 2 ans. Alors, en août 2015, petit groupe de personnes, on s'était rendu compte que les troubles bipolaires, qui sont une maladie très répandue dans la population, sont quand même mal connus. On a des clichés à propos des bipolaires. Et donc nous voulons, par nos actions, corriger ces préjugés, ces idées préconçues et faire passer de l'information sur les troubles bipolaires. Pour mieux faire connaître cette maladie. Pour mieux faire connaître cette maladie qui déstabilise l'humeur des personnes de façon exagérée, avec des périodes de dépression profonde. Bon, ça, la dépression, tout le monde peut comprendre de quoi il s'agit. Mais aussi, à l'inverse, avec des périodes d'exaltation et d'intensité aussi très exagérées qui amènent les gens à ne plus contrôler ce qu'ils font dans la vie. Bon, des exemples banals qu'on peut citer, c'est des dépenses exagérées alors qu'on n'a pas d'argent pour assumer, ou bien des changements de carrière ou d'activité incongrues. Voilà, je pourrais raconter beaucoup de mes aventures. Voilà, donc le but de l'association, c'est de mieux faire connaître. Mieux faire connaître parce que... connaître la maladie, c'est donc l'identifier, c'est pouvoir, avec l'aide d'une équipe médicale, suivre un traitement et bénéficier d'un encadrement qui permet de reprendre le contrôle de la situation, de stabiliser sa vie et de pouvoir recommencer à vivre normalement dans la société, dans sa famille, dans son travail, dans son couple. Dans quelques instants, on va parler de ce qui va se passer le 17 septembre, mais parmi les autres actions que vous menez au sein de l'association, c'est quoi ? Alors, nous organisons en fait des événements qui n'ont rien à voir avec la maladie directement. Nous n'organisons pas vraiment de conférences sur les troubles bipolaires pour informer les gens sur les troubles bipolaires, parce que c'est le genre de conférence à laquelle on ne se rend que quand on est déjà un peu concerné et qu'on veut en savoir plus. Nous voulons sensibiliser les gens qui vraiment n'en savent rien, n'en ont que des idées préconçues. Bon, la plus fréquente étant « Ah oui, un bipolaire, c'est des gens qui changent d'avis toutes les 5 minutes. Mmh. » C'est l'idée qui est un peu créée par le fait qu'il y a des cycles dans l'humeur et donc les gens réduisent ça, le problème à cela. Donc c'est pas du tout ça. Donc nous voulons sensibiliser les gens pour que éventuellement, si dans leur entourage proche il y a une personne qui a des difficultés comme ça comportementales ou peut-être même eux-mêmes qui se sentent parfois déséquilibrés, ils pensent à en parler avec leur médecin parce que c'est une maladie psychique, mais c'est une maladie au même titre qu'un problème de cholestérol ou de tension artérielle. Il faut aller voir le bon spécialiste médical qui va prendre la situation en main et va vous aider à rectifier. Alors c'est pas forcément facile, surtout quand il s'agit de problèmes psychiques, mais il y a énormément d'exemples de réussite et très encourageante. Voilà, il y a du positif en tout cas. Il y a du positif, c'est le message que nous voulons faire passer aussi. La maladie psychique est une maladie comme une autre, il faut reprendre les rênes, reprendre le contrôle de la situation. Et alors nos actions sont des concerts comme celui qu'on organise pour le 17 septembre, ça peut être une exposition de peinture comme celle que nous organisons le 10 et le 11 octobre à la salle Schaeffer, ça peut être un événement autour des jeux vidéo comme celui que nous avons prévu le 21 janvier à l'autre canal, des événements qui nous permettent de rencontrer des tranches variées de la population qui vient pour l'événement lui-même, et à l'occasion de l'événement, on fait passer un peu d'informations sur l'association et la cause que nous défendons. Et des publics aussi à d'âges différents. Voilà, parce que c'est une maladie qui frappe aveuglément partout, quelle que soit la classe sociale, quel que soit l'âge, qui se développe quand même, on le sait maintenant, entre 15 et 25 ans. Souvent, c'est là que ça se déclenche. Et c'est un âge crucial de la vie, parce que c'est là qu'on commence des études ou qu'on va se marier. Et que si on part déjà sur des bases déséquilibrées, c'est pas facile. Donc, on essaye aussi d'intéresser des jeunes, de faire passer le message auprès des jeunes aussi. Mais auprès des parents ou des grands-parents, c'est aussi tout à fait important. L'entourage a un rôle primordial à jouer de compréhension et d'accompagnement et d'aide. C'est absolument indispensable. Voilà, plus il y a de relais, mieux ça sera pris en charge. Alors, parlons maintenant de ce qui va se passer le dimanche le 17 septembre. C'est à 15h, c'est à la guinguette du parc de la Curdère. Alors, je ne sais pas, beaucoup de gens ont l'air de ne pas tout savoir où ça se trouve. Ça, c'est sur une des collines de Nancy. C'est un très joli parc qui donne sur toute l'agglomération et on voit aussi loin que la ligne bleue des Vosges. C'est très bien exposé avec de beaux arbres. À l'intérieur, il y a la fameuse guinguette qui est un bâtiment en bois du début du XXe siècle. Et là, nous accueillons deux orchestres de jeunes. Un qui s'appelle Folie Mandingue, qui va jouer de la musique africaine, des percussions avec des danseuses. Et l'autre qui est un orchestre de jeunes, qui joue beaucoup de jazz et d'improvisation. Le nom de ce groupe, c'est le Gâteau sur la cerise. Dans ce sens-là, le Gâteau sur la cerise, qui jouera voilà, aussi une musique. Le concert sera très festif et on a vérifié la météo. Il devrait y avoir du soleil, donc ce sera vraiment une belle après-midi. Voilà, donc avec des musiques africaines, des reprises pour les jeunes de la MJC Lillebonne, donc le oui. Gâteau sur la cerise. Donc tout ça à partir de 15h. À partir de 15h, oui. L'entrée est libre. Nous faisons quand même passer une corbeille pour les gens qui souhaitent aider l'association dans ses actions, parce qu'il y a forcément un minimum de dépenses nécessaires dans la vie d'une association. Mais voilà, on accueille tout le monde, parce que pour nous aussi, ce qui est important, c'est de faire passer le message et la présentation de ce que nous faisons. C'est la première fois que vous organisez un tel rendez-vous autour d'un concert ? Non, depuis 2 ans que nous existons, nous en avons déjà fait plusieurs sur Nancy, à la colline de Sion, à Épinal, on a fait une conférence sur Van Gogh, à Lunéville aussi, on a fait deux concerts à Lunéville, un récital d'orgue et puis un concert lyrique. Donc on essaye de toucher dans tous les registres et à différents endroits pour rencontrer des personnes différentes, pour diffuser l'information. Alors rendez-vous ce dimanche 17 septembre à partir de 15h à la Gaguette du Parc de la Cure d'Air, c'est 54 rue Marquette à Nancy pour le concert de Folie Mandingue et le Gâteau sur la cerise, pour rencontrer aussi les bénévoles de l'association Bipolaire, si tu savais, l'association qu'on trouve aussi sur internet. Oui, nous avons un site internet, bipolairesitusavais.com, et puis la page Facebook qui annonce nos événements. Si Bipolaire, si tu savais, on trouve très facilement sur Facebook. Voilà, avec le moteur de recherche. Et on peut nous contacter comme ça. Marie-Paul Pirel, merci. Merci pour votre invitation, et donc à dimanche, 17 septembre. L'actualité annoncée ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.